Monsieur Simon parut content de mon maintien. C'est à peu près tout ce qu'il vit de moi dans cette entrevue. Il m'avait déjà vu plusieurs fois chez Madame de Varan, sans faire une grande attention à moi. Ainsi, c'est de ce dîner que je pus dater sa connaissance, qui ne me servit de rien pour l'objet qu'il me l'avait fait faire, mais dont je tirai dans la suite d'autres avantages qui me font rappeler sa mémoire avec plaisir. J'aurais tort de ne pas parler de sa figure, que sur sa qualité de magistrat et sur le bel esprit dont il se piquait, on n'imaginerait pas si je n'en disais rien. Monsieur le juge Mage Simon n'avait assurément pas deux pieds de haut. Ses jambes, droites, menues et même assez longues, l'auraient agrandie si elles eussent été verticales, mais elles posaient de biais comme celles d'un compas très ouvert. Son corps était non seulement court, mais mince et en tous sens d'une petitesse inconcevable. Il devait paraître une sauterelle quand il était nu. Sa tête, de grandeur naturelle, avec un visage bien formé, l'air noble, d'assez beaux yeux, semblait une tête postiche qu'on aurait plantée sur un moignon. Il eût pu s'exempter de faire de la dépense en parure, car sa grande perruque seule l'habillait parfaitement de pied en cap. Il avait deux voix toutes différentes, qui s'entremêlaient sans cesse dans sa conversation, avec un contraste, d'abord très plaisant, mais bientôt très désagréable. L'une était grave et sonore. C'était, si j'ose ainsi parler, la voix de sa tête. L'autre, claire, aiguë et perçante, était la voix de son corps. Quand il s'écoutait beaucoup, qu'il parlait très posément, qu'il ménageait son haleine, il pouvait parler toujours de sa grosse voix. Mais, pour peu qu'il s'animât et qu'un accent plus vif vînt se présenter, cet accent devenait comme le sifflement d'une clé et il avait toute la peine du monde à reprendre sa basse.